Le micro, le micro est ouvert, à toi. Oh. Oh, oh. Il y a ceux qui veulent faire grève et qui font grève. Il y a ceux qui veulent faire grève et qui ne peuvent pas faire grève. Il y a ceux qui s'en foutent. Il y a ceux qui disent que cela ne sert à rien. Et puis, il y a tous ceux qu'on n'entend pas. On est le 15 décembre 2014. Je me trouve près de l'UNIF, dans l'UNIF limite, mais non, je suis pas dedans, mais je suis aux alentours de l'UNIF, comme ça tout autour, et il y a des bras zéro, c'est comme ça qu'on dit. Oui, des bras zéro. Alors monsieur, ça va aller? On va voir. Hein. Il faut que je répète, on va voir. Ouais, on va voir. Dites, vous pouvez un peu expliquer ce qui se passe là maintenant? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là dans la rue à faire un feu avec écrit devant la... Vous pouvez un peu décrire la situation? Alors, je décris de mémoire parce que je vois très très mal. Mais normalement, là en face de moi, il y a un mur qui a été construit pour bloquer l'accès au rectorat. Alors, il est écrit quoi? Il est écrit « Recteur, austérité, patron, même combat ». Voilà. Et donc, Vous vous trouvez devant, enfin à la base il y avait un petit groupe avec un bras zéro, puis le petit groupe est parti, et puis vous vous retrouvez à trois ici devant. On est tout seul pour faire tenir ce mur. Parce qu'en fait il semble que le mur ne soit pas vraiment très solide et qu'il faut quand même rester là pour empêcher qu'on le démolisse. Voilà, c'est plus symbolique qu'autre chose, hein, il faut dire. Vous voulez dire que vous êtes là pour. Ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez ça? Vous défendez le mur ou bien vous le cassez le mur? Non, quand même, je défends le mur. Hein. Quand même, je suis là dans le cadre d'une grève, donc d'une opération d'arrêt de travail, mais aussi où on essaye de faire que personne ne travaille. Hein. Pas parce qu'on a envie d'emmerder les gens, mais parce que c'est la seule manière que ceux qui ne veulent pas travailler, mais qui sont soumis à l'autorité d'un supérieur hiérarchique, d'un prof, etc., soient obligés de le faire. Donc on protège le droit de grève, ça c'est une première chose, et on essaye d'obtenir que des mesures gouvernementales soient retirées parce qu'elles nous paraissent injustes. On fait deux choses en même temps. Oui, mais c'est pas vous qui avez fait le mur. Ah non, c'est pas moi qui ai fait le mur. Avouez. Ben oui, j'avoue, moi je suis incapable de faire un truc comme ça. Pourquoi? C'est simple en même temps, hein. C'est des briques. Ah ouais, mais déjà il faut porter des blocs de béton, t'as vu mes muscles? Non, moi je peux pas faire un truc comme ça. En tout cas, c'est une bonne idée, non? Ça vraiment, on le voit pas, mais il y a vraiment des blocs de béton qui bloquent la porte du recteur, en fait. Donc il ne sait pas aller bosser, très clairement. Ou alors, enfin, il pourrait, hein, ceci dit, il pourrait enlever les... Oui, alors en fait, moi, le fait que le recteur aille bosser, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est que tous ceux qui s'associent à la grève et qui voudraient ne pas aller bosser puissent dire « j'ai pas pu ». Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont dans cette situation-là. Ils voudraient s'associer, mais ils sont sous autorité d'un, peut-être du recteur dans ce cas-ci, d'un supérieur hiérarchique quelconque, qui fait peser sur eux une menace, parfois implicite, parfois explicite, s'ils ne viennent pas. Et donc voilà, empêcher de rentrer, c'est permettre à ces gens-là d'exercer leur droit de grève. Quand on dit « il y a un droit du travail, vous ne respectez pas le droit du travail », ah, la seule manière de faire respecter le droit de grève, qui est quand même à la base de masse et de masse d'acquis sociaux, c'est de permettre à ceux qui s'y associent, même quand ils sont sous la menace d'autorité, leur permettre de ne pas rentrer, de faire grève. Voilà. Hein. Pareil pour les étudiants, qui parfois sont en fait presque contraints de venir parce qu'un prof organise un cours qui est jugé important, voire des évaluations d'ailleurs. Hein. Ça s'est passé, c'était le cas, paraît-il, lundi passé. Il y a un prof qui sanctionne, qui dit si vous n'êtes pas là à mon cours, grève ou pas grève, voilà, genre il va faire un examen à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas forcément sanctionner, hein, c'est mettre en difficulté ceux qui s'associent à la grève. Comme ceux d'ailleurs qui n'ont pas pu venir, même en n'étant pas grévistes, mais parce qu'ils ont eu du mal avec les transports. Hein. Ceux-là aussi, je trouve qu'il faut pouvoir les protéger. Oui, c'est comme si on était maintenant, on prend position, quoi. On fait grève ou on n'est pas grève, on est contre son patron, parce qu'on pourrait aussi être contre son patron qui vous menace, que si vous n'êtes pas là. Donc, quelque part, c'est prendre position, quoi. Parce que j'imagine que si votre patron, il est d'accord que vous fassiez grève, du coup, vous n'avez pas de problème. Ça a moins de portée symbolique qu'un patron qui refuse que vous fassiez grève, mais que vous le fassiez quand même. Vous me suivez ? Oui, d'accord. Hein, est-ce qu'on va dire ça, que c'est plus agréable quand le patron n'est pas d'accord ? Non, je n'ai pas dit agréable. Hein, je n'ai pas utilisé une seule fois le mot agréable. On essaye j'ai simplement dit que c'était, c'est plus difficile pour quelqu'un qui est contre son patron que quelqu'un qui est avec son patron. Ça demande plus de, je dirais, de... J'arrive pas à trouver la formule. Je ne vais pas utiliser... On porte ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus couillu. C'est pas le bon mot, mais... Quelle horreur ! Couillu. Moi, je me réclame pas de ces trucs-là. Hein. Alice vient à mon secours, on dit pas ça, hein. C'est plus couillu. Oui, j'en sais rien. Moi, ça m'est égal, d'ailleurs, que ce soit couillu ou pas. Mais moi, pas. C'était ça la question de départ. Un truc, hein, le courage. Hein. On présente ça souvent comme une vertu. Quoi ça exactement ? Parce que là, on s'y perd. Le fait de prendre ses responsabilités, le fait de s'exposer d'une certaine manière, etc. On présente ça comme une vertu. Hein, c'est bien. Ça dépend de quoi vous parlez. Hein, parce que le courage, pour le courage, ouais, vous parlez de... Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais il faut l'inscrire dans quelque chose. Absolument. Donc, il faut quand même revenir aux objectifs. Donc, par exemple, je sais pas moi, un type sur le front de l'Est qui est couillu et qui a le courage de s'y trouver, bon, ça m'emmerde. Hein, c'est un problème, plutôt. Je préférais qu'il soit lâche, alors. Je préférais qu'il soit pas couillu. Hein, donc, je veux dire que le fait de l'être ou pas, ça dépend des objectifs qu'on défend en l'étant. Bon, on reprend la conversation ici. On est à une grève générale du pays, c'est national. On se retrouve ici précisément en face du mur, en face du bureau du recteur avec un mur construit en pierre pour qu'il ne puisse pas passer. Je vous pose la question, grève, celui qui l'a fait et que son patron est OK, c'est beaucoup plus facile, évidemment. On passe une journée à faire grève, on n'est pas d'accord. Celui qui fait grève et que son patron n'est pas d'accord, ça demande plus de courage, pour moi, selon moi. Vous êtes là, votre patron est d'accord ou n'est pas d'accord ? Alors, d'abord, je ne fais preuve vraiment d'aucun courage. Hein. Je t'assure, il n'y a pas de problème à faire ça, il n'y a pas de sanction derrière, je ne pense pas en tout cas, et donc je n'ai pas ce sentiment-là. Est-ce que le patron est d'accord ? D'abord, il faudrait savoir quel patron, hein, le recteur, est-ce que c'est vraiment le patron ? Il faudrait en discuter. Est-ce que le recteur est d'accord ou pas ? Eh bien, De faire grève. Sinon, on ne se comprend plus. Oui, d'accord. Eh bien, je n'en sais rien. En réalité, il y a des mesures d'austérité qui visent les universités. Il devrait donc être normal qu'il s'associe à ce mouvement. Je ne sais pas s'il y est totalement hostile. Il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus. L'université a pris des positions mi-figue, mi-raisin hein, à cet égard. Par exemple, la grève de la semaine précédente était une grève un peu spéciale puisque ceux qui faisaient grève gardaient leur salaire par décision de l'université, des autorités universitaires, ce qui montre quand même pas une hostilité catégorique à la grève. Et il y a des raisons pour ça, parce que les mesures d'austérité, même si c'est pas le plus dramatique dans les mesures qui sont prises, mais touchent les universités et touchent quand même assez fortement les universités. Donc on peut imaginer que le recteur, d'une manière ou d'une autre, ne soit pas complètement hostile au mouvement, ou même qu'il y adhère, j'en sais rien, il faut lui demander à lui, hein, pas à moi. Et à vrai dire, s'il y adhère, tant mieux, hein, parce que pour moi l'objectif c'est de faire retirer des mesures qui sont des mesures socialement injustes, insupportables, et si le recteur s'y associe, tant mieux, bienvenue. Ok, mais là aujourd'hui, l'UNIF, elle est fermée, quoi. Très clairement, il y a grève. Oui, elle est fermée dans le cadre d'un mouvement de grève générale nationale auquel l'université s'associe, en tout cas une partie des personnes qui y travaillent, en nombre d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si tu as fait le tour, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont levés très tôt au matin pour manifester leur solidarité avec ce mouvement de grève. Alors cela dit, le fait que l'université soit bloquée un jour, ce n'est pas la chose la plus essentielle. Il faut quand même le dire. Vous êtes qui exactement, vous, monsieur? Vous donnez cours? Vous faites partie de quoi? Comment? Qu'on puisse un peu se situer? Alors, non, je ne donne pas cours. Je suis assistant chargé d'exercice à temps très partiel. Alors là, oui, j'ai des étudiants à qui j'explique des choses, on va dire, on discute ensemble pour démêler des choses. Et puis, pour la part la plus importante, je suis ce qu'on appelle chercheur. C'est un drôle de terme. En quoi? Je suis chercheur en quoi, je moi cherche. Oui, il y a une phrase comme ça que j'aime bien. On dit des chercheurs qui trouvent, on en cherche, et des chercheurs qui... Oui, c'est ça. Et des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Voilà. Moi, je fais plutôt partie de deuxième catégorie. Je cherche, mais je trouve rien. On cherche en quoi, Alice? En géographie, on va dire, mais... En géographie sociale. Oh, tiens, mais ça m'intéresse. Mais voilà. C'est quoi, en quelques mots, la géographie sociale, pour qu'on reste dans l'idée de parler de la grève? Ben, on s'intéresse à tout phénomène humain qui a un impact sur l'espace. Comme quoi, par exemple? Comme y a une question qui revient tout le temps, c'est où se trouve quelque chose et pourquoi. Essayer de comprendre. Pourquoi les choses sont où elles sont? Pourquoi les gens qui votent pour tel parti sont à tel endroit et pas à tel autre? Ah, ça va jusqu'à ce point-là? Oui, ça c'est de la géographie électorale. Et puis la géographie plus économique, où on se demande où sont telles activités et pourquoi. Et la première que vous disiez, pourquoi les gens votent, vous avez quelques réponses comme ça, pour donner un exemple? Sur vos recherches? Par exemple, je sais pas, c'est tout con, mais le vote à gauche qui est très fort dans le sillon anciennement industriel en Wallonie, le vote à droite qui est plus présent en Flandre parce qu'il y avait un tissu de petites entreprises depuis longtemps. C'est pas mal comme recherche. Non, vraiment, hein. Mais continuons avec cette grève. Après, bon, j'y continuerai ma balade, mais... donc, l'UNIF fait grève, c'est très clair. Le recteur, on ne sait pas dans son fort intérieur s'il est d'accord ou pas. Mais en tout cas, il n'est pas là. Et vous, vous êtes là. Et vous n'allez pas contre... Je dis ça parce que aujourd'hui, ça donne vraiment cette impression, le 15 décembre 2014, grève nationale, et ça donne un espèce de duel entre ceux qui font grève et ceux qui ne font pas grève. Et il y a plein de gens qui vont dire, bah non, il faut aller travailler, il faut continuer à faire marcher le pays. Donc c'est pour ça que je discutais un petit peu au début de, tiens, d'avoir du courage de dire, bah, zut, mon patron, il n'est pas d'accord, je devrais me confronter à lui, ou bien, que vous voyez ce que je veux dire, ces deux positions. Donc vous, dans votre cas, ben... vous faites grève, voilà, ça fait partie un peu de... Tout le monde fait grève autour de vous, et voilà, c'est pas compliqué non plus, quoi. Vous avez un petit feu, non, vous comprenez? J'en sais rien, c'est comme ça pour moi, et je crois que c'est comme ça pour toi aussi, Alice. On n'est pas sous une menace particulière si on fait grève, il n'y a pas un courage particulier à faire grève. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde à l'université. Vous avez vu tout à l'heure... Moi, je parle avec vous, là, maintenant, oui, vous voyez. Mais donc, non, mais il ne faudrait pas croire non plus que ça se fait aussi facilement dans tous les secteurs. Je pense que les gens des services de nettoyage qui font grève là et qui viennent à l'université et qui donnent un coup de main à la grève, ils risquent plus, que pour eux, c'est véritablement difficile. On voit, par exemple, il faut expliquer un petit peu, ce sont des gens qui font partie d'un service extérieur à l'université, ils viennent nettoyer, mais ils sont employés par un service extérieur qui les fait boulonner sévèrement, qui les menace, on peut dire ça, hein. Donc de temps en temps, il y en a qui se trouvent sous la menace de sanctions parce qu'on les a vus à la fenêtre, hein, vous rendez compte, on les a vus à la fenêtre pendant leur temps de travail, alors que nous on les voit bosser tout le temps comme des malades. Et quoi, vous avez eu vent de ça, que vous racontez ça ou... Ah, bien sûr, on a vent de ça, oui, parce qu'ils nettoient dans les locaux où on travaille. Ah. Ben donc ceux-là, je ne suis pas du tout sûr que faire grève de leur part ne demande pas beaucoup plus de courage que celui que nous n'avons pas tellement, en tout cas moi pas tellement, parce que je ne me sens pas menacé, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde. Ah. Et vous, vous auriez quelque chose à rajouter là-dessus? Vous faites grève et voilà. C'était aussi l'occasion de discuter avec des gens qui étaient a priori pas pour la grève. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il y a grève, mais... Alors, les jours qui précèdent et les jours qui suivent, aussi dans les familles et au boulot et un peu partout. À Noël, bientôt. Oui, à Noël, bientôt. On se retrouve à discuter de ça. Et c'est une période où, en général, ces sujets viennent sur la table et c'est déjà une bonne chose. Et pourquoi vous faites grève ? Moi, je fais grève contre les mesures d'austérité que le gouvernement souhaite prendre, donc le rallongement du temps de travail, les sauts d'index, etc. Quelque part un manque d'argent, alors, du coup ? Un manque d'argent, oui, c'est le nerf de la guerre, quoi. Donc, oui, il s'agit d'argent, il s'agit effectivement d'argent. Et pas d'autres... comment dire ça, pas d'autres idées sur cette grève à part l'argent, par exemple, vous avez... Non ? Genre, vous faites grève parce que vous n'avez pas assez d'argent, je caricature, hein. Il n'y a pas d'autres... sur des lois qui sont mises en place, là, en ce moment, que vous seriez au courant et vous dites ça, c'est inadmissible. Il s'agit toujours d'argent. C'est des budgets en moins pour la culture, la santé, la recherche, l'enseignement. Oui, c'est moins de salaire, c'est travailler plus pour gagner moins. Et donc, il s'agit toujours un peu d'argent, quelque part. Mais ce n'est pas mon argent. C'est l'argent des travailleurs en général. Donc, c'est... Merci. Quelque chose à conclure là-dessus ? Je vous laisse le mot de la fin. Que vous avez envie de dire ? Oui, il y a quand même un truc que j'ai envie de dire, c'est que derrière ces grèves, il y a des mesures gouvernementales, il y a un projet gouvernemental, que ce projet met en difficulté des personnes qui sont déjà en difficulté, que ça a des conséquences lourdes et que ça vaudrait la peine d'en parler. Il y a quand même derrière, par exemple, l'allongement du temps de travail. Ce qui est très étrange alors qu'il y a déjà un nombre impressionnant de chômeurs dont l'immense majorité cherche à travailler. Bizarre de dire qu'à cause de la structure des âges d'espérance de vie, il faudrait que plus de gens travaillent alors qu'il y en a déjà qui ne trouvent pas de travail. C'est une manière étrange de fonctionner. On prétend qu'il y a un problème de financement des pensions. Oui, il y a un problème de financement des pensions si on continue avec la logique dans laquelle on s'est engagé depuis pas mal de temps, où on allège les charges patronales, on dit « oulala, il y en a trop », alors qu'en réalité, les profits sont suffisants pour nourrir des tas de mouvements de capitaux spéculatifs qui posent des tas de problèmes graves économiquement. Voilà, ce serait long d'en parler, mais il ne faut quand même pas oublier que derrière une grève, il y a tout ça. Des gens maltraités, il faudrait arrêter ça. On dit on va les faire travailler 2 ans de plus. D'abord, beaucoup ne trouveront jamais de travail, 2 ans en plus, ça veut dire simplement qu'ils partiront à l'heure où ils partent aujourd'hui, mais avec moins de moyens encore. Vous savez qu'à Bruxelles, par exemple, 25% des gens déclarent qu'en une année, ils ont renoncé au moins une fois à des soins de santé pour des raisons financières. Ça signifie beaucoup donc que des gens qui partent à un âge relativement précoce parfois parce qu'ils ne trouvent plus la possibilité d'être engagés où que ce soit et encore moins de pension que ce qu'ils ont actuellement. Et alors une dernière chose, 2 ans, mais c'est 2 ans pour tout le monde. Mais vous savez, les gens qui sont bien nantis et qui sans doute défendent ces mesures, eux, au moment où ils sortent du travail, disons à 65 ans, 67 demain, ils ont encore 10 ans, 20 ans, oui, plutôt 20 ans d'espérance de vie. Hein. D'autres, la moitié. Alors, ça pèse pas la même chose, les deux. Expliquez ans... pourquoi ? Pourquoi ? Ben parce que, pour des tas de raisons, hein, c'est compliqué, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir exactement le même type d'éducation, le même accès à une manière de penser sa santé. Ils ont eu une vie de travail parfois dure, parfois dégueulasse. Hein. Je parlais des nettoyeurs. Ils manipulent des tas de produits pendant leur vie professionnelle, ces gens-là, des produits dont on ne connaît pas très bien la toxicité. On s'en fout un peu, d'ailleurs. Hein. Et donc voilà, eux, ils ont une vie après la pension beaucoup plus courte que les autres. Et puis on leur dit c'est 2 ans pour tout le monde, c'est juste. Non, c'est tout à fait injuste. Hein. C'est pour eux une part beaucoup plus importante de ce qui leur reste à vivre que pour d'autres. Voilà, donc ce serait vraiment long d'en parler sérieusement autrement qu'à travers des slogans comme ça. Mais derrière la grève, il y a ça. Il y a le refus de ça, plutôt. Merci. Voilà, on est dans la gare du Midi. Bonjour messieurs, c'est la radio en fait. Il n'y a pas d'image, c'est la radio. Vous avez peur? Mais vous êtes des bons interlocuteurs. J'avais juste une simple question à poser. Allez, quoi. Oh. Bon. Bonjour, monsieur. Oui, mais non. Mais non. Oui, mais non. Non, non. Oui, mais non. Je peux vous la poser? Oui, c'est quelle la question? La question, c'est la grève. Mm-hmm. Vous êtes au courant qu'il y a grève? Oui, je suis au courant, ouais. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que je vais en penser? Rien. Je dis rien. Vous pensez rien? C'est eux qui décident, c'est pas moi. C'est? C'est le mec qui décide, c'est pas moi. C'est le quoi? Le mec? Oui. Quel mec? C'est la personne de la rêve qui peut-être il se mal avec ce paiement, avec tout. Avec les paiements? Oui. Et vous, dans votre quotidien, dans votre tous les jours, ça vous touche pas? Vous savez pourquoi? Enfin, pourquoi il y a grève? Je sais pas, madame. Je ne peux pas dire rien. Vous êtes ici à Bruxelles? Non. Vous passez? Oui. Vous venez d'où? Paris. Vous êtes de Paris? Chauffeur de bus. Chauffeur de bus? Oui. Ben, ça vous concerne allant la grève à Bruxelles? Non, désolé. Indirectement? Désolé. Okay. Vous ne parlez pas bien français peut-être? Oui. Vous comprenez bien ce que je dis? Oui. Ok, bon. Merci, hein, monsieur. D'accord. Radio, pas parler non plus. Non, merci. Oh, parler, ça tient chaud, hein. Radio, parler ça dure plus. Pas longtemps. Ça va? Une petite question. Bonjour, monsieur. Non plus. Pas parler. Vous allez bien? Je peux vous poser une petite question? Bonjour. Bonjour. Ah bah oui, c'est normal, hein. Il y a grève aujourd'hui. Il y a les grèves et en fait, mon amie est venue ce matin à 5h. Le train était annoncé et quand elle est venue pour prendre son train à 7h, il n'était plus annoncé. Ah bah ouais, le jour de grève, c'est un peu complexe, hein. Surtout nous, là, on vient de Lille, quoi. Pour venir chercher l'ami qui est bloqué à Bruxelles. Je comprends pas bien le truc, mais il y a quelqu'un qui est bloqué ici à Bruxelles alors que vous êtes à Bruxelles. Voilà, non, qui est bloqué en fait, elle est partie en concert ce week-end et elle devait prendre le train à Bruxelles pour venir jusque Lille et là elle s'est retrouvée bloquée ici toute la nuit. Donc elle a dû prendre une chambre d'hôtel en dernière minute et là moi j'ai dû faire la route de Lille pour venir la chercher. Et comme je suis française, mon portable ne capte pas la Belgique et je ne sais pas où aller. Ok. Et vous êtes un peu au courant de la grève? Pourquoi? Comment? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas renseignée? Non. En gros, vous ne saviez pas qu'il y avait grève? Non, je ne prends pas le train, donc je ne prends pas le train en Belgique. Et vous êtes au courant de ce qui se passe un peu dans le pays? Pas du tout. Ça ne vous intéresse pas? Je ne connais pas, non. Ok, d'accord. C'était ça la question, en fait. Merci. Bonjour monsieur, ça va, vous allez bien? Non, parle français, okay. Romain. Ah non, moi je parle pas roumain. Pourquoi? Je ne parle pas roumain moi, désolé. C'est sur la grève, vous êtes au courant qu'il y a grève? Parce que... La police fédérale, en fait. La police fédérale? Oui. Ben quoi, la police fédérale, elle pense des trucs, non? On peut pas dire. Ouh. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Toujours très bien quand on voit votre sourire. Ah ben c'est bien, ça fait plaisir ça, dites. Petite question, on peut pas? Non. Vous envoyez vers notre service presse, information presse. Il est où? Je vais vous donner le numéro. Oh oui, mais non. Voilà. Ok, merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui. Vous êtes au courant qu'il y a grève? Absolument. Je peux vous poser une petite question avant? Essayez toujours, oui. C'est ça, est-ce que... Donc vous savez qu'il y a grève, vous savez comment ça se fait qu'il y a grève? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben non, parce que j'habite à l'étranger, donc j'essaie de pas repartir chez moi, donc il y a grève des trains, Air France m'a mis sur le bus de ce soir, donc je ne suis pas trop au courant. Ok, c'est ok. C'est la raison de la grève. Ok, merci. Okay. Bonjour madame, vous avez le temps, une minute? J'ai juste une petite question à vous poser. Vous êtes au courant qu'il y a grève ici? Oui. Et vous savez, vous en pensez quoi en fait de la grève? Pas grand-chose parce que je viens d'étranger. Oui, mais vous pensez quand même quelque chose, non? Oui, je trouve qu'il y a quand même des limites de barrer les rues, c'est un peu limite. De barrer les rues ? Oui. Parce que bon, il faut une grève, c'est OK, mais embêter les gens, c'est autre chose aussi. Ben oui, mais c'est ça le but de la grève, hein. Si vous le dites. Si on fait toujours tout dans le sens, alors il n'y a pas de problème et tout tourne rond. Si vous n'êtes pas content, vous êtes bien obligé de montrer votre mécontentement. C'est que vous êtes toujours contente, vous, alors. Non, je ne suis pas toujours contente. Ça, je suis d'accord avec la grève, mais bon, il ne faut pas embêter les gens quand même. Il y a des limites un peu. Mais comment voulez-vous toucher les limites si vous n'ennuyez pas les gens ? On ne discute plus. Non, ça va. OK, merci, hein. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous allez bien ? Très bien, merci. Vous êtes au courant de la grève ? Oui, tout à fait. Vous en pensez, c'est quoi de la grève ? Ça m'énerve. Dites, pourquoi ? Ouais, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a rien du tout. évidemment, il faut bien que ça ennuie quelque part pour que. Vous dites ? C'est obligé. Ben oui, vous êtes au courant. Pourquoi il y a grève ? Bon, non, j'en sais rien. Vous n'êtes pas au courant ? Non. Vous êtes d'ici ? Oui, non, mais moi. Je suis SDF depuis 6 ans, plus 6 ans et demi, vous voyez, je ne me tracasse pas beaucoup, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes SDF et vous n'êtes pas content qu'il y a grève ? Non, je m'en fous, à vrai dire. Mais non, pourquoi ? Mais c'est énervant, regardez, voilà, la guerre, il n'y a rien dans la guerre. Mais qu'est-ce que vous en foutez, justement ? Ben, c'est mort, c'est énervant. J'aime bien quand il y a du monde autour de moi. Mais là, il n'y a personne, vous voyez, il y a deux pelés tendus. Mais oui, mais c'est normal parce qu'il n'y a plus de train, donc il n'y a plus grand monde dans la gare. Ah non, c'est obligé, ben, vous voyez bien, il n'y a personne. Enfin, c'est comme ça, c'est pas autrement. En tout cas, sachez qu'il y a grève parce qu'il y a plein de gens qui sont mécontents, sachez-le. Ben, c'est toujours la même chose, il y a toujours des mécontents partout, toujours. Il y en aura toujours. Oui, mais là, disons que c'est une grève nationale et qu'il y a plein de gens qui se mettent ensemble. Même les avions ne décollent pas aujourd'hui. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un... Parce qu'il y a plein de gens qui sont mécontents parce qu'ils travaillent et qu'on les suce de plus en plus, quoi. Donc vous êtes quand même... Mais ça, je veux vous dire une chose, c'est pas nouveau. Il y a des années que ça dure. Et moi, je dis, si on veut que ça change, il faut que tout le peuple bouge. Et faire grève, voilà, une grève générale un jour, ok, ça sera quoi ? À que dalle, non. Tu fais une grève générale, mais tu reprends pas. Tant que ça ne bouge pas, tu reprends pas. Alors là, peut-être qu'il y aura du changement. C'est mon opinion à moi. Maintenant, ce que les autres en pensent, ça, moi, je n'en sais rien. C'est une super bonne idée, là, que vous donnez. Donc, pas faire une grève une fois, mais plusieurs. Enfin, on fait une grève, on n'arrête plus de faire grève, quoi. C'est en 1969 qu'il y a eu la révolution, ici en Belgique. Il y a eu mai 68. Mai 68, voilà. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'il fallait du changement. Le changement a eu lieu. Oui. Eh bien, qu'on recommence. Parlez maintenant, franchement. Moi, je dis, depuis qu'on a passé du franc belge à l'euro, on est mort. Parce que l'euro, vous verrez, vous serez bien. Oui, on est beaucoup plus léger, beaucoup plus vite, parce qu'on n'a plus rien dans les poches vite fait. Mais voilà. Mais, et puis, il n'y a plus rien qui va. Mais... Il n'y a pas qu'en Belgique, c'est partout dans le monde. Comme quoi, je vois qu'on veut la séparation... Vous voulez la séparation de la Belgique de Wever, c'est ça ? Qui voulait ça ? Allez, c'est quoi ça ? Flamand, wallon, excuse-moi, on est belge. C'est pas parce qu'il y a la côte... Ok, ils sont peut-être plus courageux que nous, les Flamands, parce que moi, je suis un pur liégeois, je viens de Liège. Je ne dis pas le contraire, mais allez. Et quoi, les Liégeois, ils sont quoi, eux ? On dit qu'ils sont plus pourris, ils sont plus dégueulasses que les Flamands. Parce que c'est les... vrai, hein, c'est vrai. Hein. C'est la pure vérité, ça. Je ne dirais pas le contraire. Mais non, franchement. Mais la séparation de la Belgique, pourquoi ? Parce qu'ils ont la côte, ils ont les ports, et là, il y a du boulot, plus que dans la Wallonie. La Wallonie, de toute façon, ici en Belgique, il y a plus grand-chose qui est belge, à vrai dire. Mais dites, vous savez que si vous donnez l'idée de faire grève plus d'un jour, la gare, comme ça, vous risquez de la voir donc plusieurs jours avec pas beaucoup de monde. C'est ça que vous disiez au début, que c'est pas chouette un jour de grève parce qu'il n'y a personne. Non. Vous êtes prêts ? Alors vous allez faire la grève aussi, si ça dure plusieurs jours ? De toute façon, je vais vous dire une chose. Moi, je fais grève en permanence parce que je suis chômeur depuis 6 ans et demi. Non, non, mais s'il y a du changement, la grève, ça ne me déroge pas. Mais pas des grèves comme on en fait pour oui, pour non. Ça, je trouve ça, pour moi, c'est bête. Ça ne sert à rien. Mais faire une vraie grève pour faire bouger les choses, là, je suis d'accord. Mais pas une grève comme ça un jour, pourquoi? Pourquoi faire? Pour rien. Pour moi, ça ne sert à rien. C'est, ça ennuie le peuple, ça ennuie le monde, à part ça. Je dis que ça m'ennuie, à vrai dire, je m'en fous. Hein. Je prends pas le train, je prends pas le bus, je prends pas le métro, je prends rien, moi. Voilà. Bah alors. Je ne parle pas que pour moi. Il y a la population. Hein. Ah bah oui, mais justement, il y a une population qui est OK qu'on fasse grève, et puis une autre qui est sûrement mécontente, et puis une autre qui est sûrement très, très mécontente, et puis... Il y a quand même certains commerces qui fonctionnent. Hein. Ça, mais... Donc, c'est pas encore une générale, parce que moi, une générale, c'est tout closettement. Et au tir son plan. Voilà. Ouais, ça, c'est pas ennuyer le monde, peut-être. Mais c'est, mais justement, là où l'ennuie à fond la caisse, et comme ça, au moins, ceux qui doivent bouger, bougeront. Autrement, personne ne bougera jamais. C'est mon avis. Les gens pensent ce qu'ils en veulent. Moi, je donne mon avis à moi. Merci. Merci. Hein. Et pour ta journée à vous. Vous aussi. Monsieur, parlez français? Vous êtes au courant qu'il y a grève? Oui. Vous en pensez quoi? Je sais pas. Ouais, allez, arrêtez. Vous pensez quelque chose sur la grève? Je sais pas. Si, arrêtez. Mais c'est... Enfin, ça, vous parlez alors peut-être d'une sphère supérieure, mais il y a plein de gens en bas de la hiérarchie qui sont de plus en plus mécontents. C'est à un moment donné, il faut que ça s'arrête, vous voyez, il y a des gens qui travaillent. Oui, et il faut faire quoi alors pour ces gens-là? Ben, je quand pense que... D'argent. Vous dites? Quand il n'y a plus d'argent, on fait quoi? Il y en a... Attendez, quand il n'y a plus d'argent au pouvoir ou bien... À l'État. Ben, c'est ce que l'État dit, qu'il n'a plus d'argent, mais il y a de l'argent. Hein. Vous êtes bien naïf. Ben, attendez, les pays n'ont jamais été aussi riches qu'aujourd'hui. Hein. Okay, c'est quelle radio que vous avez? C'est une radio à Bruxelles, ici... D'accord. Bonjour. Bah oui, l'État, il a jamais été aussi riche. Hein. Je veux dire, pourquoi on délocalise et tout ça, et qu'on fait du profit Parce que vous faites grève. Mais moi, je fais pas grève. Hein. Je suis là occupée à prendre du son. Mais je suis contente que les gens se bougent. Je suis contente que les gens se bougent. Vous trouvez que c'est une solution? Il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien du tout. Vous arrêtez là. Ça coûte combien, la grève? Faites le calcul, après. Ah, ça, je ne sais pas, mais il faut le savoir. J'imagine que si les gens font grève, c'est qu'il y a un mécontentement général, vous comprenez? Oui. Il y a des gens qui en ont marre. Attendez, il y a combien de personnes qui veulent faire grève et combien de personnes ne veulent pas faire grève? Ah oui, mais ça... Merci, hein. Bonjour, vous parlez français? Oui, bien sûr. Vous allez bien? Oui, tout à fait. Dites-moi, il y a grève aujourd'hui? Je crois, oui. Apparemment, oui. Vous n'êtes pas plus au courant que ça? Non, pas plus. Non. Pourquoi? Parce que moi, je vis dans la rue, donc voilà quoi. Je ne sais pas ce qui suit demain, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais, exactement, quoi. En tout cas, il y a grève et, à votre avis, enfin, pourquoi il y a grève, quoi? Vous n'êtes pas au courant? Moi, je suis portugais. Vous êtes portugais? Portugais, ah, oui. Et je suis ici à 4 ans. Et la grève... Peut-être que je ne suis pas la personne plus au courant de pourquoi c'est la grève. Ok. Moi non plus, quoi. Moi, je ne sais pas, quoi. Voilà, quoi. Pourquoi il y a grève? Ben, on peut se dire qu'il y a grève parce qu'il y a des gens qui sont mécontents. Il y a plein de gens qui sont mécontents. On peut se dire ça. Ben, il y a de quoi, non? Ben, donc, vous savez quand même un peu pourquoi il y a grève? Non, pas du tout. Mais il y a de quoi que les gens se plaignent, quoi. Les tarifs, tout augmente, quoi. Voilà, quoi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à la rue et tout ça, quoi. Et qu'on ne pense pas à eux, quoi. Et voilà, quoi. Il y a des gens qui sont sous-payés, quoi. Et que... Ils trouvent pas ça normal, quoi, peut-être. Voilà. Hein. C'est logique, quoi. Moi, je peux comprendre, quoi. Voilà, quoi. C'est pas ça qui va changer ma vie. Hein. La grève ? Ouais. Peut-être que oui, hein. C'est ça que vous ne vous rendez pas compte. Si jamais il y avait un système demain qui était plus équitable, qui donnait vraiment la place, ça n'existe plus, les gens qui vivent dans la rue, votre vie changerait justement. Peut-être, ouais. Mais donc il faut s'informer. Oui, bien sûr, quoi, mais voilà, quoi, les gens, voilà, ils ne se rendent pas compte, la société ne se rend pas compte, quoi, voilà, quoi, qu'il y a tellement de misère ici en Belgique, quoi, qu'ils s'en foutent, quoi, apparemment. Ils pensent qu'ils ont un chez-eux et tout ça, ils ne pensent pas aux gens de la rue, quoi. Voilà, ils ne comprennent pas les gens de la rue, quoi. Et moi, je suis désolée, quoi. Moi, il faut les comprendre, quoi. D'abord, apprendre à les comprendre et apprendre à estimer, quoi, les gens, même s'ils sont dans la rue et qu'ils boivent ou n'importe quoi. Il faut savoir qu'il y a une raison pour tout, quoi. Voilà, quoi. C'est sûr, merci. De rien. Merci, hein. Non, c'est rien. Hein. Bonjour, messieurs. Ne vous inquiétez pas, c'est anonyme. J'ai vu que vous travaillez aujourd'hui. Non, non, je ne travaille pas, non. Je vous ai vu travailler. Ah non. Je vous ai vu travailler. C'est une passion, c'est pas un travail. Ah, vous faites ça gratos. Non, pas gratos, quand même. Bah, la passion. Tout travail mérite salaire, mais bon... Alors là, je comprends plus rien. Je croyais que vous travailliez ou... C'est les deux. C'est passion d'être derrière la caisse. Oui, pas derrière la caisse, mais d'être dans le magasin, quoi. Okay. Et vous pensez quoi de la grève aujourd'hui ? J'en pense rien. J'en pense rien. Allez, c'est anonyme, on ne voit pas. Vous pensez bien quelque chose là-dessus ? Non. Vous pensez pas ? Non. Moi, j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, donc voilà. Ok, mais je veux dire, il y a le pays qui fait grève, quoi. Qu'est-ce que vous... Je m'en fous. Ça n'a pas d'influence sur vous ? Non, du tout. Mais vous savez que ça peut avoir une influence sur vous si demain, tout autour de vous, il se passe des mesures qui vont peut-être pas dans votre sens ou qui vont dans votre sens. Vous savez que ça a une influence sur vous. On verra bien. Ouais, faut le jour. D'accord. Voilà. Merci. S'il vous plaît. Une chose. Je trouve que c'est pas seulement la Belgique. Ouais. Toute l'Europe. Peut-être, c'est, comme je vous dis, il n'y a rien à voir avec votre travail, mais je pense qu'en Belgique, elle avait besoin de discipline. Belgique, toute l'Europe, elle a besoin de discipline. De discipline, carrément. Discipline. Oui, comment de discipline ? Dans quel sens ? Dans tous les sens. Dans tous les sens ? Dans tous les sens. Ça ne veut rien dire, ça, monsieur. Discipline dans tous les sens. Parce que je trouve que tout le pays, qu'elles ont des disciplines. Moi, je ne suis pas radicaliste. Moi, je ne suis pas radicaliste. Pas radical. Radical. Je ne suis pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je retrouve avec l'Europe, elle avait besoin de discipline. Mais d'un exemple concret. Un exemple concret. Je peux dire la Chine. Vous ne voyez pas un Chinois ici en Belgique avec une canette dans la main. Ah oui, jamais, donc on peut... Alors vous serez sanctionné si... Non, ici en Bruxelles, non. À Liège, vous ne pouvez pas boire sur la rue. Non, c'est interdit. C'est pas bien de boire sur la route. Non, sur la route, non, il y a la rue. À la station, il y a la rue, vous ne pouvez pas boire. Vous ne pouvez pas avoir une canette dans la main. Vous comprenez ? Oui, mais ça c'est de la discipline, ça. Je trouve que c'est un principe de discipline, oui. Ah oui. So in my thoughts I have been La grève, c'est une action très importante, il fallait le faire. C'est une manière de protester, de dire tout simplement basta, ça suffit. Et vous trouvez ça bien, donc du coup la grève c'est bien pour vous? Oui, ça c'est sans discussion, la grève c'est quelque chose de très important, il faut le faire. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous discutez un peu dans la rue, il y a des gens qui sont vraiment pas contents qu'il y a grève, et puis d'autres, il y a des gens qui sont pas contents qu'il y a grève. Hein. Alors je leur explique un peu, attendez, c'est ennuyant peut-être la grève parce qu'il n'y a pas de train, parce que ceci, parce que cela, mais il y a des raisons, des gens sont pas contents. Donc vous pouvez expliquer, vous? Je ne sais pas, en fait, où vous avez entendu que les gens ne sont pas contents de la grève. C'est le contraire, en fait. Tout le pays est paralysé. Tous les gens ils sont en grève. Donc, voilà, c'est ça ce qu'il faut voir, en fait. Et ce qui est important que les gens doivent savoir, c'est les raisons de la grève. C'est ça ce qu'il faut soulever, en fait, surtout. Les gens suivent la grève, la politique actuelle de gouvernement, en fait, il est vraiment à côté de la plaque. C'est le peuple qui est en train de subir, on voit ça. Nous, en fait, en tant que secteur, on le sent, en fait. On le sent d'une façon très, très, très importante. Comment, madame, je peux... pour vous expliquer ça d'une façon très, très, très, très claire et nette. Comme ça, vous voyez, je vais donner un simple exemple. Personnellement, en fait, ça m'est arrivé d'avoir une cliente qui vient à côté et alors il réfléchit. Il a le choix, soit de prendre le transport en commun, ça peut être la STIP ou le taxi, ou bien d'aller à la pharmacie. Ça m'est arrivé. Et ça m'a fait très mal, en fait. Vous voyez, c'est ça ce qu'il faut... Donc, ça m'a fait très, très, très mal, en fait, à une personne très âgée, avec une petite somme qu'il reçoit de pension, et alors il réfléchit. Alors, quand vous l'abordez gentiment comme ça, il te dit, voilà, monsieur, j'ai le choix. Vous ne l'avez pas aidé? Oui, aider, ça fait partie de nos principes, en fait, nous. Aider, bien sûr, on est là pour... Là, c'est un caractère humain d'aider, en fait. Si on ne le fait pas, donc... voilà, donc... Mais c'est rare, hein, aujourd'hui, les humains. Hein. L'humanité, je veux dire, en gros, quand vous regardez, c'est chacun pour soi, un peu, maintenant. Hein. Je veux dire, être humain, c'est plutôt... vous voyez ce que je veux dire, hein? Je vois absolument. Oui, être humain. Écoutez, madame, je crois pas que... Merci, monsieur. Je crois pas qu'il y a quelqu'un qui est né ou bien qui veut venir dans ce monde... et qui ne veut pas être un humain. Ne pas être un humain, c'est les humains qui nous obligent à être, qui obligent les êtres humains à ne pas être des humains. Vous voyez ce que je voudrais dire? Donc, et quand je vais essayer de m'expliquer, en fait, c'est les conditions économiques, sociales qui obligent les gens à ne pas être humains ou pas faire des gestes de sympathie ou d'aide envers un autre être humain. Donc, et c'est ça la cause de la manifestation aujourd'hui, de la grève aujourd'hui, la grève nationale. La politique d'austérité, c'est les gens, le simple citoyen qui y visait. C'est les poches, c'est la casserole des ouvriers et de la masse populaire et de l'être humain qui est touché. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. On ne peut pas accepter de continuer comme ça. Vous voyez ce que je voudrais dire? Donc. Et vous, dans votre métier de taxi, les lois, les nouvelles lois qui sont mises en place, elles vous touchent comment directement dans votre travail ? Les lois qui sont d'abord par les taxes. Par les taxes. Comme vous savez, le pays, c'est un pays qui... Notre pays, c'est parmi les pays les plus taxés au monde. Vous savez, dernièrement, comme il a dit le collègue, il y a une société américaine qui s'appelle Uber, qui a pris notre place. Il travaille avec les conditions. Il se considère comme transport en commun rémunéré, alors qu'il n'a rien, de légal de faire ce métier. Ça, c'est un petit exemple, en fait. Il y a aussi les taxis pirates, et il y a d'autres petites magouilles que tous les collègues le savent, en fait, des voitures dans les... Oui, mais ça, le gouvernement, je veux dire, c'est parce que peut-être, j'invente, hein, je ne connais pas bien, mais peut-être parce que le gouvernement ne protège pas votre métier, on va dire qu'il y a plein de gens qui essayent de subvenir à leurs besoins, quoi. Tout à fait. Le gouvernement, en fait, ça a été toujours, on a toujours toqué les portes, on a toujours crié œil fort qu'il faut négocier, qu'il faut écouter le secteur. Il faut prendre en considération les remarques et les réclamations et les protestations de secteur. Mais on s'en fout. On s'en fout carrément. Mais c'est quoi ces remarques, justement ? Ces remarques, par exemple, il y a trop de taxes. La concurrence déloyale. On est attaqué dans tous les sens. On est attaqué par tout le monde. L'exemple du Uber, l'exemple des faux taxis, les taxis des périphériques aussi qui vient mettre leurs mains dans notre assiette. La concurrence, en fait, c'est ça ? La concurrence déloyale, qui n'est pas légale. Nous, c'est le secteur. On est légal, on paie nos taxes, on paie nos impôts et tout. Mais des gens qui n'ont rien à voir, qui viennent mettre la main dans notre assiette. Et pour revenir à votre question, en fait, que vous m'avez posée là, tonton, en fait, comment on est touché, quand vous voyez, en fait, parmi les réclamations de France syndicale, c'est le seul index. Les salaires ne seront pas augmentés. Et alors, monsieur tout le monde, le simple citoyen, il n'aura pas l'accès au transport en commun comme d'habitude. On voit ça, d'ailleurs, on le voit depuis des années, en fait. Ça fait des années que je fais ce métier, en fait. Avant, ce service, il était à la portée de tout le monde. Quel service vous parlez ? Le transport, je donne un exemple de transport. Mais dernièrement, on le sent que le citoyen, que nous, on est fait pour eux, il est difficile à se faire satisfaire, en fait. Et c'est pour des raisons économiques. La prise d'otage à Sydney, c'était des islamistes. Je ne suis pas islamiste. Moi non plus. Je suis musulman. Bah oui. Mais oui, on sait bien. C'est dommage de te déformer. Oui. C'est tout ce que moi j'ai à dire. La grève là, ça me concerne pas du tout. Ils font ce qu'ils ont à faire, ça va rien changer. Ça va pas payer nos loyers de toute façon. Voilà, ça a rien d'en parler. Non. Mais là, au début que vous parliez, c'était des médias, vous disiez, hein, c'est ça. Ah, hein, les médias, ouais, ils transforment beaucoup les propos. Ouais, déjà. Déjà, hein. Et deuxièmement, faire la grève, ça change rien du tout. Mais comment vous pouvez dire ça ? Mais alors on fait rien du tout, alors on fait rien du tout de sa vie, alors. Ce qu'il faut faire, c'est la révolution, comme ça s'est passé en France. Non mais je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne parvient plus à travailler parce que il y a ceux qui disent que les chômeurs, ils en ont trop des revenus, et d'autres disent que les chômeurs veulent travailler, et les travailleurs disent que les chômeurs sont tellement. Finalement, il faut que les travailleurs donnent leur poste aux chômeurs, parce qu'aujourd'hui là, on ne parvient plus à comprendre dans quel monde on vit. Hein. On te parle de néerlandais, on te parle d'allemand, enfin... On te parle néerlandais. Attends, là, je ne suis pas à la pensée. Néerlandais. Mais pourquoi tu parles de ça ? La société, elle est trop compliquée. On veut faire des économies de 11 milliards sur qui ? Qui a parlé de ça ? L'économie de 11 milliards, c'est encore les médias. Oui, mais c'est quoi, et oui, mais c'est quoi ces 11 milliards? Ça vient d'où? Faire une économie de 11 milliards, et je pense que vous êtes mieux informé que moi. On va pas refaire la télé. Ah non, mais vous faites votre méfiant, là. Hein, si je ne suis pas au courant de ces 11 milliards. Je n'ai pas du tout mon méfiant. Je trouve juste que tout ce système-là, que ce soit la grève ou pas, c'est hypocrite, simplement. C'est hypocrite, ça va pas payer nos loyers, ça va pas nous nourrir, et il y en a beaucoup qui crèvent de faim dehors. Ça c'est les conneries. Donc voilà. Mais attends, mais c'est bien qu'il y ait des gens qui sont mécontents aujourd'hui, qui montrent qu'ils sont mécontents quand même. C'est peine perdue, franchement. Ah bah alors il vaut mieux pas se lever. Hein. Franchement, ouais. C'est qui raconte là? Bah alors il faut carrément se tirer une balle dans la tête. Peut-être pas, mais immigrer peut-être sur Mars. Ah ouais, mais là, je pense qu'il faudra être riche pour aller sur Mars. Non, il y a moyen. Il y a moyen, ils trouveront bien la solution. Ils ont envoyé des hommes sur la Lune, c'est possible. Bon, et crois-moi, les 11 000, je ne suis pas les journaux traditionnels comme une malade, donc je ne suis pas au courant des 11 milliards que tu parles, mais je suppose que c'est le gouvernement qui dit ça. Exactement. Ça va, monsieur? Ça va, madame? Oui. Ça, ils savent trouver ça autrement, hein? Comment? Eh ben, tout simplement, éliminer les doublements scolaires, les échecs scolaires, parce qu'un élève, il coûte quand même 3 000 euros. Hein? Une famille de 5 enfants, eh ben, c'est 15 000 euros, hein, madame? C'est ça les économies? Ah ben, si vous comptabilisez ça sur le nombre de familles en Belgique, eh ben, je pense qu'il y a moyen d'arriver un peu plus loin. Toucher aux chômeurs et aux CPS, les minimexés, ça c'est quand même un peu ridicule. Déjà, les loyers coûtent tellement cher, hein, des sommes incroyables, de 700 euros, de 600 euros pour avoir un trou à ras, ben, franchement, c'est... allez-y. Hein. Et si on faisait des économies sur... Sur les guerres, par exemple. Oui. Sur les guerres. Bah, on a arrêté de faire des guerres. Mais je ne sais pas, mais ça, c'est quand même des intérêts considérables par rapport aux États. Hein. C'est faire les guerres, c'est plus visé. Je pense que tout le monde est au courant que c'est secondo. Il hein. Y a autre chose, il y a des intérêts, soit de matières premières ou le pétrole ou autre chose. Hein. Ou les armes, ou, tout ça. Ah ouais, vendre des armes. Et puis, voilà, c'est quand même un milieu... de l'industrie, hein, pour fonctionner l'industrie, mais je pense que le gouvernement donne des coups pour ne pas se relever, s'attire sur tout ce qui bouge. Avec les immigrés, avec beaucoup d'étrangers qui n'ont plus d'argent, qui n'arrivent plus à vivre dans leur pays, c'est par rapport à ça, à la vente des armes, à la guerre, à l'instabilité et tout ça. Je pense que ces gens, ils ne quittent pas de chez eux, je parle mieux allemand, quoi, tu vois. Ils ne quittent pas chez eux avec care, laisser leurs parents, leur maman. Avec plaisir. Quoi. Avec plaisir, merci, avec plaisir. Ils quittent parce qu'ils bon, n'arrivent plus à vivre là-bas, parce qu'il y a la guerre, il y a la famine. Et bon, enfin, s'il y a la guerre, il y aura toujours la famine, bien sûr, les gens n'arrivent pas à travailler. Et puis, ils se retrouvent ici en Europe, et puis bon, c'est la même chose, et ça rend la vie difficile aussi aux Européens et tout ça. Et puis, il n'y a plus de maisons, il n'y a plus de... C'est ben, ça. Savez, on a besoin d'une... Enfin, des moins... On va parler de la grève. Hein, de la grève. D'ici, ah oui, moi, je ne sais pas. C'est relié, évidemment, mais ouais. La grève. Vous êtes au courant qu'il y a la grève? Oui, je suis au courant. Bon, vous pensez quoi de ça? Ben, c'est bien, la grève, parce que c'est quand même pour immobiliser un petit peu le système, parce que quand même, voter sur des lois qui vont devoir déstabiliser les familles qui n'arrivent pas à éduquer leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens. Déjà, un ménage de 5 personnes, composé de 5 personnes, ça leur coûte plus de 2200 euros. Et ça, je pense que ça n'ira pas plus loin. Hein. Ça va encore faire des amalgames et des problématiques dans des jeunes et tout. Hein. C'est clair. Au niveau éducation, je pense que c'est un peu ça. Et puis l'enseignement, il y a quand même l'enseignement de qualité, c'est déjà pas mal, mais il faut quand même voir les choses plus claires. C'est que éviter avoir de l'argent, éviter les doublements, parce que déjà ça coûte cher pour l'État, ça coûte cher pour les parents. Oui, mais monsieur, c'est pas, on va pas faire des économies. Il y a moyen de faire des économies ailleurs qu'à aller toucher à l'éducation. Déjà, il y a quand même deux faillites qui se mettent en place automatiquement chaque jour. Et là, si vous comptabilisez le nombre de chômeurs qui se met par rapport à ceux-là, des inscrits, et les non-inscrits, c'est encore autre chose. Et maintenant, avec tout ce qui se passe, on va éliminer les jeunes moins de 30 ans. Les jeunes qui sortent diplômés, ils n'ont pas droit. Alors, ils vont demander du travail, on leur demande, vous n'avez pas d'expérience. Et puis, c'est des choses qu'il faudrait tenir compte. Je suis désolé. C'est compliqué ce que vous dites, hein, je vous assure. Ah oui, c'est compliqué. Oui, c'est pas simple. Mais vous, monsieur... La grève, Qu'est-ce que vous en pensez? En Belgique, je suis là, bon, de passage, et puis bon. Vraiment, ça m'a un peu mis en, je ne sais pas moi, ça a choisi ma journée, ça a foutu ma journée, donc je ne sais pas. Je voulais aller aux Pays-Bas, acheter une voiture là-bas, mais bon, je ne peux plus parce que les transports sont bloqués, tout est bloqué, bon. Donc ça vous ennuie plus qu'autre chose alors cette grève? Voilà, c'est ça. J'ai un autre problème, j'ai envie de quitter mais je n'arrive pas, donc c'est ça mon problème. Il y a plein de gens qui sont mécontents et qui montrent leur mécontentement aujourd'hui. C'est bon signe quand même, c'est positif. Oui, ben bon. Vous trouvez pas ça bien que plein de gens se mettent ensemble pour montrer qu'ils sont pas d'accord? Oui, mais je trouve ça bien. C'est bien. Donnez vraiment votre avis. Hein, vous avez... non, mon avis, c'est pas bien. Moi, j'aime pas les grèves. Je veux que tout marche et puis bon. Pourquoi vous me dites oui alors si je vous demande votre avis? Ils ont des problèmes, c'est leur point de vue. Vous avez dit que c'était compliqué. Vous avez dit que c'était compliqué. Dans quel sens que c'est compliqué? Mais c'est parce que vous abordez le sujet. Moi, je vous demande la grève. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me dites. Vous me dites oui. Alors, on n'a qu'à faire des économies. C'est à cause de ça, quand même. De quoi? C'est à cause du système qui ne va pas. Oui, mais vous prenez la solution tout de suite en disant la solution, il faut la prendre là. Ce sont des solutions qui ont déjà été traitées et que les gens, ils savent que les échecs scolaires, on en parlait dans la radio, dans les médias, dans tout. C'est par rapport aux Finlandais et aux Suédois, c'est autre chose. Oui, mais monsieur, l'éducation. L'éducation, c'est un tout petit bazar dans l'économie. Je veux dire, quand vous regardez la politique. C'est pas un tout petit bazar, madame. C'est pas un tout petit. Vous prenez ça à la légère, mais les gens qui ont une famille de 5. Vous comprenez pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que dans un budget comme l'État, d'accord, il va mettre un petit peu d'argent dans l'éducation et beaucoup dans les guerres, beaucoup dans les armes, beaucoup dans le business. C'est ça que les gens se révoltent. C'est à cause de ça. L'éducation, c'est pour les enfants, c'est pour nos enfants. Et puis c'est bien, moi je pense qu'ils doivent investir dans l'éducation. C'est important. Oui, c'est le numéro un. Donc s'ils grèvent pour ça, vraiment, moi je suis pour. Hein. C'est ça qui se passe, monsieur. Donc c'est très bien, donc ils ont vraiment raison. Donc la politique doit réagir, la politique doit vraiment essayer d'investir dans l'éducation parce que c'est le futur, c'est l'avenir de tout le monde, pas seulement la Belgique. Alors pourquoi vous dites Pourquoi vous dites alors que c'est pas bien au début? Sans savoir de quoi il s'agit, vous rendez compte de ça? Moi, je voyais que les trains ne marchaient pas et puis bon, je me suis mis en colère, c'est ça, je ne savais pas pour quelle raison. Donc maintenant, si c'est pour vraiment l'éducation, je suis bien sûr pour. Je veux que vraiment l'État ou la politique, ils investissent dans l'éducation. C'est pour tout, pas seulement la Belgique, mais c'est toute l'humanité qui en profite. Si les enfants partent à l'école, ben, s'il n'y a pas d'école, mais c'est la catastrophe, ça, c'est... 100 ans, 10 ans après où on va se trouver, c'est comme si on recule en arrière, 100 ans en arrière, où les gens ne partaient pas, ou en Afrique, où les gens, il y a l'alphabétisation et tout. Donc l'éducation, je pense que l'État doit donner tout pour ça, c'est le numéro un, au lieu d'investir dans, je ne sais pas moi, l'industrie, peut-être c'est bien, mais bon, la guerre ou bien, je ne sais pas moi, autre chose. L'éducation, ça doit vraiment occuper une place... Another lie.